L'étudiant frappa rudement à la porte du père Goriot. « Mon voisin, dit-il, j'ai vu Madame Delphine. Où ? Aux Italiens. S'amusait-elle bien ? Entrez donc. » Et le bonhomme, qui s'était levé en chemise, ouvrit sa porte et se recoucha promptement. « Parlez-moi donc d'elle, demanda-t-il. » Eugène, qui se trouvait pour la première fois chez le père Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge où vivait le père après avoir admiré la toilette de la fille. La fenêtre était sans rideau. Le papier de tenture collé sur les murailles s'en détachait en plusieurs endroits par l'effet de l'humidité et se recroquevillait en laissant apercevoir le plâtre jauni par la fumée. Le bonhomme gisait sur un mauvais lit, n'avait qu'une maigre couverture et un couvre-pied ouaté fait avec les bons morceaux des vieilles robes de Madame Vauquer. Le carreau était humide et plein de poussière. En face de la croisée se voyait une de ces vieilles commodes en bois de rose, à ventre renflé, qui ont des mains en cuivre tordu, en façon de sarment, décorées de feuilles ou de fleurs. Un vieux meuble à tablette de bois, sur lequel était un pot à eau dans sa cuvette, et tous les ustensiles nécessaires pour se faire la barbe. Dans un coin, les souliers. À la tête du lit, une table de nuit, sans porte ni marbre. Au coin de la cheminée, où il n'y avait pas trace de feu, se trouvait la table carrée, en bois de noyer, dont la barre avait servi au père Goriot à dénaturer son écuelle en vermeil. Un méchant secrétaire, sur lequel était le chapeau du bonhomme, un fauteuil foncé de paille et deux chaises complétaient ce mobilier misérable. La flèche du lit, attachée au plancher par une loque, soutenait une mauvaise bande d'étoffe à carreaux rouges et blancs. Le plus pauvre commissionnaire était certes moins mal meublé dans son grenier que ne l'était le père Goriot chez Madame Vauquer. L'aspect de cette chambre donnait froid et serrait le cœur. Elle ressemblait au plus triste logement d'une prison. Heureusement, Goriot ne vit pas l'expression qui se peignit sur la physionomie d'Eugène quand celui-ci posa sa chandelle sur la table de nuit.